marche dans la brume, que tu sois blonde, que tu sois brune, j'irai te rejoindre où tu seras. Et tu m'apprendras l'amour, tu te serreras contre moi, et je sentirai les effluves qui me nourriront le cœur. Le soleil, les couleurs, l'océan, le ciel immense, rien que pour nous deux. Le soleil, les couleurs, l'océan, le ciel immense, rien que pour toi et moi. Mais pourquoi le monde hurle-t-il? Pourquoi le monde saigne? Moi je ne rêve que d'amour, que d'amour avec toi. Et pourquoi le monde tremble? Pourquoi y a des gens qui meurent, assassinés par la haine, des affres de leur cœur? Bientôt j'écarterai le voile qui masque ton visage. Je découvrirai les étoiles dans les profondeurs de tes nuits. Et dans ce décor à couper le souffle, nous partirons tous les deux, abandonnant à la haine tous ceux qui l'ont nourri. Le soleil, les couleurs, l'océan, le ciel immense, rien que pour nous deux. Le soleil, les couleurs, l'océan, le ciel immense, rien que pour toi et moi. Mais pourquoi le monde hurle-t-il? Pourquoi le monde saigne? Moi je ne rêve que d'amour avec toi. Mais pourquoi le monde tremble? Pourquoi y'a des gens qui meurent, assassinés par la haine des âmes de leur cœur? Je te cherche dans la brume, que tu sois blonde, que tu sois brune. J'irai te rejoindre où tu seras. Et tu m'apprendras l'amour, tu te serreras contre moi, et je sentirai les effluves qui me nourriront le cœur. Le soleil, les couleurs, l'océan, le ciel immense, rien que pour nous deux. Le soleil, les couleurs, l'océan, le ciel immense, rien que pour toi et moi-même. Pourquoi le monde est où me-t-il? Pourquoi le monde saigne? Moi je ne rêve que d'amour avec toi. Mais pourquoi le monde tremble? Pourquoi y a des gens qui meurent assassinés par la haine des arbres de leur mort? Bientôt j'écarterai le voile qui masque ton visage. Je découvrirai les étoiles dans les profondeurs de tes nuits. Et dans ce décor à couper le souffle, nous partirons tous les deux, en laissant à la haine tous ceux qui l'ont nourri. Le soleil, les couleurs, l'océan, le ciel immense, rien que pour nous deux. Le soleil, les couleurs, l'océan, le ciel immense, rien que pour toi et moi. Mais pourquoi le monde hurle-t-il? Ah, pourquoi le monde saigne? Moi je ne rêve que d'amour avec toi. Même pourquoi le monde tremble? Pourquoi y a des gens qui meurent, assassinés par la haine des arbres de leur cœur? Mais pourquoi le monde tremble-t-il? Pourquoi le monde saigne? Moi je ne rêve que d'amour. Mais pourquoi le monde tremble? Pourquoi y'a des gens qui meurent, assassinés par la haine, des affres de leur cœur? Pourquoi?